Chapitre 45e, le vendeur psychologue. La fameuse facture arriva dans le quart d'heure suivant. Dutilleul saisit ses clés de voiture puis se ravisa. Le magasin d'électroménager se situait en plein centre de Paris, mais à cette heure en voiture ce n'était pas jouable. Dutilleul se rabattit donc sur le métro et découvrit à cette occasion qu'il n'avait plus de ticket. Finalement, il prenait ce moyen de transport bien plus souvent qu'il ne le pensait. Cette fois, il essaierait de ne pas égarer le justificatif, afin de faire établir une demande de remboursement. Il pensa tout à coup qu'il n'avait toujours pas de nouvelles de celles concernant les biscuits de Patricia, à moins que... Il avait vaguement aperçu une enveloppe de courrier interne. Il avait complètement oublié de l'ouvrir. Il pensa également qu'il devait passer à l'appartement, histoire justement de jeter un coup d'œil sur le courrier arrivé, prendre un peu de linge frais et récupérer son costume au pressing. Une fois dans le magasin, il sortit sa carte de police ainsi que la facture et demanda à s'entretenir avec le directeur. « A priori, cela ne me dit rien, » lui répondit celui-ci. « Des postes de ce type, à cette période de l'année, j'en vends des dizaines par jour. Avec les possibilités de payer en plusieurs fois, les gens se lâchent davantage. Cependant, vous pouvez toujours interroger le vendeur qui a conclu la transaction. Voyons voir qui s'en est occupé. Fabien ?» Vous avez de la chance, il travaille aujourd'hui. Vous voulez que j'aille le chercher? Oui, s'il vous plaît. Le fameux Fabien était un homme d'une trentaine d'années qui présentait bien. Il salua Dutilleul d'une poignée de main franche et celui-ci se fit immédiatement la réflexion que le vendeur n'avait guère l'air surpris de le voir. Cela vous dit quelque chose? Absolument. Ce n'est pas tous les jours qu'on vend ce genre de télé au comptant et que la fille en question se fait tuer quelques mois plus tard. « Rappelez-vous, chef, je vous en ai parlé. »« C'est exact. Je m'en souviens à présent. » »« Naturellement, Fabien se tenait à votre disposition pour toute information complémentaire, mais comme personne de vos services ne s'est présenté, on a laissé tomber. »« Vous vous souvenez donc de la transaction ?»« Difficile de l'oublier. »« Pourquoi cela vous a-t-il tant marqué ? À cette période de l'année, ce ne sont pas les clients qui manquent. »« Vous avez raison, mais je connaissais déjà cette fille. » En fait, elle s'était complètement équipée chez nous environ un an et demi auparavant. Elle était seule alors et je l'avais trouvée très sympa, même si elle paraissait un peu perdue. Comme elle était vraiment très jeune, j'ai essayé de la conseiller au mieux. Fabien est l'un de nos plus anciens vendeurs et il sait ne pas pousser inutilement à la dépense. Un client satisfait revient toujours et c'est ce qu'il s'est produit avec cette fille, ajouta le garçon. Seulement, cette fois, ce fut différent. Oui, je l'ai senti tout de suite. Tout d'abord, elle n'était plus seule. Deux hommes de type maghrébin l'accompagnaient. L'un d'entre eux semblait être son petit ami. Il ne cessait de la cajoler pour lui faire acheter la télé. Il ne cessait de lui répéter qu'elle en mourrait d'envie. Alors que cela sautait aux yeux que c'était lui surtout qui la voulait. Je n'aimais vraiment pas ses manières. Il était faux. Il la manipulait. Et comme je déteste ce genre de schéma, je n'ai surtout pas cherché à forcer la vente. Le mec considérait trop la fille comme une vache à lait. J'ai vraiment regretté qu'il ne la lâche pas quelques minutes. Seulement l'autre, pas fou, ne la quittait pas d'une semelle. Le plus triste dans tout cela, c'est qu'elle était vraiment amoureuse, tandis que pour lui, elle n'était qu'une très bonne opportunité. Ainsi, il ne l'aimait pas. C'était flagrant, répondit Fabien. Vous savez, on voit défiler tellement de monde ici que l'on devient rapidement un bon juge des comportements. C'est obligé, c'est le métier qui veut ça. Tout comme vous, monsieur le commissaire, nous n'avons pas de temps à perdre. Quand un client rentre dans la boutique, je sais pratiquement instantanément s'il va acheter ou non, et j'ai rarement des surprises. Quand on vous dit qu'il faut aller chercher le client, ce n'est pas tout à fait exact. Si la personne devant vous n'a absolument aucune envie de dépenser, vous ne la ferez pas fléchir, ou si vous y arrivez, le produit vous reviendra par un biais ou par un autre. Pourquoi cette vente vous a-t-elle particulièrement marqué? Comme je vous l'ai dit, il y avait cette fille à qui l'on forçait délibérément la main. Cela, en soi, pouvait suffire, mais ce n'était pas tout. J'ai du nez, monsieur le commissaire. Je savais très bien que si la fille était clean, les deux autres n'étaient certainement pas des anges. Je devais me montrer d'autant plus vigilant que je n'aimais pas davantage le comportement de l'autre mec. Il faut me comprendre. On doit constamment veiller sur le matériel, parce que la sécurité ne peut pas tout, surtout les jours de grosse affluence, ce qui était le cas. Dutilleul devait obtenir plus de précision. Justement, comment se comportait l'autre garçon? Ben, avec sa casquette, je ne pouvais pas très bien le voir et généralement je n'aime pas cela. Il se tenait très en retrait du couple. Il donnait l'impression de s'ennuyer profondément. Je ne suis pas parvenu à croiser une seule fois son regard, et ce n'était pas bon. Il pouvait préparer un mauvais coup. Je l'ai discrètement signalé à la sécurité, car je n'étais pas tranquille. À aucun moment il n'a pris part à la transaction. Non. Il ne s'est approché que lorsqu'ils ont emporté la télé. Ils ne se sont pas fait livrer? Elle était pourtant assez lourde. C'est ce qui m'a surpris. Le carton était encombrant et même si c'était très bien emballé, la télé pouvait prendre un mauvais coup. De plus, pour ce genre de matériel, j'aime bien que nos équipes assurent la mise en service. Cela évite bien des incidents. Mais bien évidemment, celui qui accompagnait la fille n'a rien voulu entendre. Quel a été le comportement de cette dernière? Elle semblait complètement dépassée par les événements. Je crois qu'elle n'était pas très heureuse de s'être laissée avoir de cette façon. En fait, pour dire les choses carrément, elle faisait un peu la gueule et entre vous et moi, je la plaignais. Bien sûr, j'assiste très souvent à des mésententes dans les couples au sujet d'un tel achat, mais bien souvent, tout finit par s'arranger. Mais là, je sentais que ce ne serait pas le cas. Dans ces circonstances, je comprends mieux pourquoi vous l'avez tout de suite reconnue quand elle a été tuée. Ce jour-là, elle portait la même veste que celle de la photo qui est parue dans les journaux. Vous souvenez-vous s'ils ont échangé leurs prénoms durant la conversation? Si j'ai bonne mémoire, le garçon qui accompagnait la fille s'appelait Malik. Mais pour ce qui est de l'autre, désolé, je ne l'ai pas entendu. Ce n'est pas grave, je vous remercie. En tout cas, ce que j'espère, c'est que ce n'est pas ce Malik. Non, rassurez-vous, ce n'est pas lui. Vous en êtes bien sûr. Sans l'ombre d'un doute. J'aime mieux cela. Je me sens moins coupable de ne pas avoir témoigné avant. Vous n'avez rien à vous reprocher. C'est nous qui aurions dû vous solliciter avant. Vous allez le coincer, ce salaud. Je m'y emploie, de toutes mes forces. Merci, monsieur le commissaire. Si jamais... Je n'hésiterai pas à faire appel à vos souvenirs. Dutilleul avait besoin d'une confirmation et il choisit d'aller la recueillir à la source. En rentrant au bureau, il appela maître Olivier Jacquier et obtint un nouveau droit de visite. Il décida de se rendre à Fleury-Mérogis en milieu d'après-midi. Ensuite, s'il en avait le temps, il s'entretiendrait avec Bellegarde, qu'il avait beaucoup négligé. Puis il rentrerait à l'appartement. Il sortit acheter un sandwich au poulet et prit deux tartes aux fraises qui avaient l'air bien tentantes. Naturellement, il essuierait une nouvelle fois les reproches de Patricia, mais il devait s'avouer que cela l'amusait beaucoup. « Pourquoi cherchez-vous tant à me faire grossir ?» dit Patricia Martineau faussement fâchée. « Pourquoi me prêtez-vous toujours de noirs dessins ? Figurez-vous que c'est pour vous consoler ?» Patricia continua à jouer le jeu. « Me consoler ? » répondit-elle surprise. « J'ignorais que j'étais triste. » « C'est qu'hélas, vous ne savez pas encore tout. Du coup, je me dois de vous ménager. »« Quoi ? On me mute dans l'équipe de l'inspecteur Bégin. »« Pire ! » !»« Vos délicieux biscuits ne peuvent être remboursés par la voie officielle. » Patricia Martineau considéra Dutilleul faussement scandalisé. « Vous avez raison. Le choc est rude. À qui dois-je ce refus certainement motivé ?»« L'auteur n'a pas souhaité assumer son acte. Il s'est contenté d'écrire à la main « refusé » sur la demande. Notez toutefois que la personne y a mis du cœur. Elle a écrit en majuscule et en assez grand. « Monsieur, je suis effectivement dévasté. Quand avez-vous appris la triste nouvelle ?» J'avoue que j'ai fait preuve d'une inconcevable légèreté. L'enveloppe était sans doute sous mon bureau depuis plusieurs jours, mais je n'en ai pris connaissance qu'aujourd'hui. Croyez bien que j'en suis fort mari et je mettrai un point d'honneur à rembourser votre dû. Je crains que cela se monte au centuple, monsieur, car il faut tenir compte de l'attente et de la déception légitime. Cette tarte est donc pour m'amadouer? Oui, j'ai pensé qu'ainsi le choc serait moins rude. Je crains que ce ne soit pas suffisant, mais cela peut constituer un acompte. En parlant d'acompte, le docteur Michonnier a appelé. Il semblerait que vous lui devez un tennis. Décidément, monsieur, je vais devoir finir par me méfier de vous, car vous contractez des dettes un peu partout à ce que je puis voir. J'espère que vous l'avez bien dit que mon agenda ne me permettait pas de me livrer à ce genre de distraction en ce moment. Bien sûr, mais il n'a guère été sensible à l'argument. Il semble que ce refrain lui soit devenu trop familier. Il vous fait donc savoir que le cours est réservé pour ce samedi. Aïe. Le diable m'extorque donc une partie qu'il ne manquera pas de gagner, puisque Henri a décidé de l'arbitrer. Je n'ai absolument aucune chance d'éviter l'humiliation de la défaite. Voulez-vous que je vous fasse une dispense? Bien essayé, Patricia, mais je crains que même rédigé de votre blanche main, cela demeure sans effet. Michonnier veut sa partie et je vais devoir m'exécuter.